Dès 6-9 mois, les bébés connaissent un petit peu quelques mots. Le robot dans 20 ans, je m'appelle Peter. Je l'imagine descendre les poubelles. Je m'en charge volontiers. On est capable de diagnostiquer, de mieux traiter, dans quelques cas, avec l'ADN. L'espoir, finalement, c'est de réenchanter notre rapport au cosmos, à la nature et à la vie. Comment s'inspirer du comportement animal pour imaginer le monde de demain? Grâce aux travaux qui sont réalisés au Centre de recherche sur la cognition animale de Toulouse, l'observation des fourmis permet déjà d'optimiser le transport routier ou les communications téléphoniques. Ces recherches sont à la croisée de l'éthologie, de la physique, de l'informatique et de la robotique. Les chercheurs, comme Guy Terolaz, que vous allez découvrir aujourd'hui, veulent comprendre comment les organismes sociaux trouvent ensemble des solutions à des problèmes insolubles individuellement. Comment on aboutit à l'intelligence collective? Comment, par exemple, les fourmis ou les termites réussissent à construire des nids très organisés sans chef d'orchestre? Guy Terolaz est éthologue, spécialiste des comportements collectifs. Il s'intéresse même aux comportements humains. Les aventuriers sur France Inter. Dans notre laboratoire, on étudie les comportements collectifs. Chez les insectes sociaux, donc les fourmis, les guêpes, les termites, aussi un peu les abeilles, et puis également chez tout un ensemble d'espèces qui vivent en groupe, en société, comme les poissons, certaines espèces de poissons, certaines espèces d'oiseaux également, et puis on étudie aussi certains phénomènes collectifs chez l'homme. Qu'est-ce que vous cherchez à comprendre? Ce qui nous intéresse, c'est vraiment la capacité qu'ont les individus qui constituent ces groupes à coordonner leurs activités pour résoudre collectivement tout un ensemble de tâches assez complexes qui se posent à ces espèces dans leur vie quotidienne, comme par exemple trouver le meilleur emplacement pour construire un nid ou la meilleure source de nourriture, transporter ensemble des lourdes charges ou également construire un nid. Chaque insecte que vous étudiez n'est pas très intelligent, mais tous ces insectes mis ensemble font des choses qui ont l'air très intelligentes. L'intelligence collective de ces sociétés animales provient essentiellement des interactions entre les individus. Donc c'est les interactions, c'est l'information qui est échangée au cours de ces interactions et c'est ensuite les comportements que les insectes produisent quand ils interagissent. C'est tout ça, en fait, qui conduit à l'intelligence collective de ces groupes. 3 novembre 1951, Radio-Télévision française, le professeur Noirot. Lorsqu'on observe des colonnes de fourmis amazones, par exemple, qui s'en vont en véritable razzia, piller un nid d'une autre espèce, dont elles ramènent des cocons d'où sortiront des jeunes ouvrières qui deviendront leurs esclaves, lorsqu'on observe ces colonnes, on s'aperçoit qu'en tête de colonne, il n'y a pas de conducteur. Il n'y a pas de chef, certainement, mais même pas de conducteur, même pas de guide. On observe, et cela est un fait, que les individus qui sont en tête parcourent quelques décimètres vers l'avant et ensuite refluent vers l'arrière, assez loin vers la colonne, d'un mètre à 1,50 m, 2 mètres. Ils ne jouent pas de façon prolongée le rôle de conducteur. Qu'est-ce qui conduit la colonne? Nous n'en savons rien, il faut le dire. Les insectes interagissent directement. Il y a des contacts antennaires, mais essentiellement, en tout cas, les fourmis interagissent beaucoup par l'intermédiaire de phéromones, donc des traces qu'elles laissent dans leur environnement. Mais aussi, tout ce qu'elles construisent, ce sont des sources d'informations qui vont guider et déclencher des comportements chez les autres insectes, qui eux-mêmes vont transformer ces informations. Ils vont, par exemple, renforcer des pistes de phéromones. Ils vont transformer des parties de nids qui ont été construites par d'autres. Et ces nouvelles parties vont elles-mêmes déclencher de nouveaux comportements. Donc c'est cette séquence bien particulière de stimulus et de réponse qui, au final, à l'échelle collective, conduit à ces comportements collectifs, à l'organisation de ces comportements collectifs, et donc aussi aux propriétés intéressantes qu'on voit dans ces sociétés, c'est-à-dire la capacité de résoudre collectivement des problèmes. Comment est-ce que vous les étudiez, ces fourmis? Vous avez des fourmilières en laboratoire? Alors, on a des fourmilières en laboratoire, bien sûr. D'abord, on les filme dans des conditions bien, bien standardisées, puisque ce qui nous intéresse, effectivement, c'est de comprendre les règles de comportement et les interactions. Et pour ça, il faut vraiment faire en sorte que les conditions d'étude soient les plus stables et les plus protégées possibles, c'est-à-dire les plus constantes possibles. Donc, on maintient la lumière, on maintient la température, on maintient l'humidité constante. Et dans ces conditions, On regarde ce qu'elles font. Par exemple, on a différents types d'expériences. On regarde comment elles font des pistes, comment est-ce qu'elles agrègent des cadavres, comment est-ce qu'elles forment des cimetières, par exemple, comment elles se partagent leurs tâches à l'intérieur du nid. Et donc tout ça, ça fait appel à des logiciels qui nous permettent d'analyser le comportement, de reconstruire les interactions, les réseaux d'interactions dans ces sociétés, et puis de relier ensuite le comportement individuel, les interactions entre individus et les comportements collectifs qu'on voit émerger à l'échelle de la colonie. Les fourmis sont fascinantes quand on les regarde et vous dites qu'on a presque l'impression qu'une colonie se comporte comme un seul super-organisme. Qu'est-ce que vous avez déjà compris chez les fourmis ? Alors oui, effectivement, cette notion de super-organisme, c'est une notion qui a été introduite en 1928 par un entomologiste, William Morton Wheeler. Parce qu'effectivement, les interactions entre les insectes sont parfois si étroites qu'elles s'apparentent en fait aux interactions qu'ont les cellules dans un organisme. Et à un certain niveau, on peut effectivement considérer que les sociétés d'insectes sont des sortes de super-organismes. 19 novembre 1976, France Culture. Le neurobiologiste Henri Laborie. Si on peut comparer une société d'abeilles, une ruche, à quelque chose, c'est un organisme, c'est-à-dire un organisme comme nous, dans lequel il y a un ovaire, c'est la reine, et alors que nous avons tendance, du fait que nous voyons des abeilles séparées, faisant leur travail séparément, à considérer que c'est une société, c'est un organisme. Et on revient justement sur ce concept, parce que ces interactions produisent de la coordination, et donc donnent l'illusion, d'une certaine façon, que cette assemblée d'insectes se comporte comme un seul et même organisme. Par exemple, quand on voit des fourmis transporter une proie qui est trop lourde pour une fourmi, elles s'y mettent à plusieurs. Vous avez étudié ce phénomène ? Tout à fait, oui, oui. Alors, ce qui se passe, c'est que donc elles se mettent autour de la proie. Chacune tire un peu dans sa direction, et puis comme elles voient que effectivement la proie ne bouge pas, elles vont changer un peu l'orientation de la force qu'elles exercent sur la proie. Et au hasard de ces réorganisations des forces qui sont exercées sur la proie, eh bien au bout d'un moment, tout part dans la bonne direction. Mais donc, comment elles s'organisent ? Comment ça se passe dans leur tête ? Vous dites que dans le cerveau d'une fourmi, il y a très peu de neurones. 250 000 neurones. Il y a 1 million de neurones chez l'abeille, il y a 100 milliards de neurones chez l'homme. Ça donne une idée un petit peu. Oui, donc il y a peu de neurones dans un cerveau de fourmi. C'est pas un vrai cerveau, en plus c'est un ganglion cérébroïde. Donc c'est quelque chose qui fait office de cerveau sans en être véritablement un. Et comment peut-on comprendre cette organisation ? Eh bien, on la comprend en disséquant les interactions, c'est-à-dire en analysant la réaction, le comportement des fourmis, par exemple lorsqu'elles se trouvent en face d'une piste de phéromones, quelle va être la propension d'une fourmi à suivre cette piste, comment ensuite, par exemple, je sais pas, on a étudié la formation des cimetières, on va créer des stimuli, donc des tas d'agrégats de tailles différentes, et on va analyser la propension des fourmis à venir déposer un cadavre en fonction de la taille du tas, et également la propension des fourmis à prendre un cadavre en fonction de la taille du tas. Et toutes ces expériences très très minutieuses nous permettent progressivement d'aller reconstruire la forme des interactions. C'est-à-dire quel type de comportement une fourmi va avoir lorsqu'elle va rencontrer certains stimuli dans son environnement. Quand on déplace un cadavre de fourmi d'un endroit à un autre, qu'est-ce qui la pousse à faire ça ? Alors, ce qui la pousse à faire ça, c'est bon déjà le fait qu'elles sortent les cadavres naturellement de leur nid. Les cadavres émettent de l'acide oléique, et c'est une substance qui incite les fourmis à prendre le cadavre. Alors en fait, il y a d'autres substances qui émettent de l'acide oléique aussi, et notamment tout ce qui est écorce, tout ce qui est détritus au sein du nid. Donc tout ça, c'est récupéré par la fourmi dans le nid et rejeté à l'extérieur. Et ce qui se passe, c'est que elles ont d'une certaine façon une perception très locale de ce qui se passe dans leur environnement. Et quand elles se déplacent, par exemple, dans un endroit où il y a déjà beaucoup de cadavres ou beaucoup de détritus qui ont été accumulés, le temps qu'elles vont passer sur ce tas. Plus ce temps va être important, plus ça va leur donner d'une certaine façon une idée de la taille de l'agrégat. Et donc plus la probabilité qu'elles vont avoir de déposer un cadavre ou un détritus sur ce tas va être importante. Voilà comment les choses se passent à l'échelle d'une fourmi. C'est vraiment des informations extrêmement locales, une perception extrêmement locale. Elles n'ont pas du tout connaissance dans sa globalité de ce qu'elles sont en train de réaliser avec les autres. Ça, vous en êtes sûr? Alors, on en est sûr parce que pour comprendre ces phénomènes, ce qui est important, c'est donc d'abord on décortique les interactions, les lois de comportement à l'échelle individuelle. On regarde aussi ce qui se passe à l'échelle collective. Donc, on quantifie véritablement toute la dynamique qui résulte de ces interactions. Et ensuite, pour relier les deux échelles de phénomènes, on est obligé de passer par des modèles mathématiques. Et ces modèles mathématiques vont nous montrer effectivement que la combinaison des interactions qu'on détermine expérimentalement reproduisent effectivement les caractéristiques spatiales et temporelles des phénomènes qu'on voit apparaître à l'échelle collective. Donc on peut prévoir ce qui va se passer dans une colonie de fourmis. Alors on peut prévoir ce qu'elle va faire effectivement quand il y a un certain nombre de fourmis dans certains types de situations. On va effectivement, le modèle mathématique construit à partir des données expérimentales, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, va effectivement nous permettre de faire des prédictions quantitatives qu'on va pouvoir vérifier expérimentalement ensuite. Vous avez compris comment les fourmis vont chercher leur nourriture et comment elles trouvent le chemin le plus court. Alors ça, c'est pas nous qui l'avons trouvé, c'est une équipe belge. Donc c'est l'équipe de Jean-Louis de Neubourg à l'Université libre de Bruxelles et ses étudiants. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont connecté le nid à une source de nourriture par un pont dont les deux branches sont de longueur inégale. Une est deux fois plus longue que l'autre. Mmh. Et ce qu'ils se sont aperçus, c'est que dans cette condition, certaines espèces de fourmis, notamment celles qui communiquent entre elles par des pistes de phéromones, vont sélectionner la plupart du temps la branche la plus courte. Et comment ? C'est assez simple. La fourmi, donc, part du nid. Au départ, elle choisit aléatoirement une branche ou l'autre, et quand elles reviennent, elles vont déposer une piste de phéromones. Mais l'information, comme elles reviennent plus vite au nid en choisissant la branche courte, l'information va grandir plus rapidement, l'information donnée par la piste de phéromones va grandir plus rapidement sur la piste courte par rapport à la piste longue. Comme la phéromone, ça a une durée de vie limitée, et que les fourmis sont attirées par les grandes quantités de phéromones, et bien elles vont naturellement renforcer la piste la plus courte et au final la piste la plus longue va progressivement disparaître. Ce qui est fascinant, c'est que ces recherches ont des applications qui nous concernent, nous les hommes. Tout à fait, et c'est ce qui est d'ailleurs le plus fascinant dans l'étude de ces phénomènes. Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes, une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Parler de faire en moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Pas si bête pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, parler te faire en oui, je serai poli pour la télé. Peut-être ça changera. Y a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. Balance ton quoi, c'était Angèle. Les Aventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter. Dans son laboratoire de Toulouse dédié à la cognition animale, Guy Terolaz a compris que chez les insectes sociaux, chaque individu peut amplifier, diminuer ou modifier le signal laissé par ses prédécesseurs. La quantité de phéromones déposées est déterminante. L'observation du comportement des colonies a donné lieu à des théories dont la validité est testée sur ordinateur. Les chercheurs, comme Guy Terolaz, créent des fourmis et des phéromones virtuels. Les insectes sociaux ont résolu, collectivement, de nombreux problèmes. C'est un modèle d'intelligence collective. Donc ce sont des individus qui, grâce à leurs interactions, vont trouver des solutions à des problèmes. Donc ça peut être intéressant pour nous d'aller regarder ces systèmes biologiques pour s'en inspirer. En particulier, donc il y a eu tout un domaine de recherche qui a émergé, on va dire, à la fin des années 90. Ce sont donc des ingénieurs qui se sont beaucoup intéressés au modèle de comportement collectif qu'on a développé à partir de ces études sur les fourmis en particulier, mais pas uniquement, sur les guêpes aussi, les abeilles, tout l'ensemble d'activités collectives. Et le premier ensemble de problèmes qui ont été résolus au moyen donc de ces algorithmes inspirés du comportement des fourmis, c'est le fameux problème du voyageur de commerce. Alors c'est un problème qui consiste à trouver le plus court chemin qui permet de relier un ensemble de villes sans passer deux fois par la même ville. Mmh. Alors c'est un problème qui est simple dans son principe, mais qui peut s'avérer extrêmement complexe à résoudre. En particulier, il suffit d'avoir 15 villes pour avoir 90 milliards de solutions possibles. Et donc, dans les années 90, des ingénieurs donc se sont rapprochés des études qu'on avait faites sur les fourmis, et ils se sont dit pourquoi ne pas utiliser les principes utilisés par les fourmis, notamment le principe de déposer des phéromones et d'utiliser cette phéromone pour guider les actions, le passage, oui, comme une source de mémoire collective. Donc l'idée, c'est de laisser explorer des réseaux par des fourmis et d'utiliser les plus courts chemins qui vont être découverts par ces fourmis quand elles vont explorer des réseaux. Les voyageurs de commerce n'existent quasiment plus, ça sert à quoi ? Le problème du voyageur de commerce, c'est un problème assez fondamental et générique de toute une classe de problèmes. Et par exemple, lorsque vous avez une flotte de camions, où vous voulez prendre des objets à un endroit, en déposer à un autre, etc. Ce sont des problèmes qui très vite deviennent assez insolubles. Et donc les colonies de fourmis, en tout cas la logique des colonies de fourmis, nous permet de résoudre ce type de problème d'optimisation. Concrètement, comment font les chercheurs ? Vous copiez sur ordinateur ce que font les fourmis ? Ça vous inspire ? Comment est-ce que vous avez fait ? Dans le cas de l'optimisation par colonie de fourmis, c'est assez intéressant parce que les premières tentatives d'utiliser les modèles de comportement collectif à ces problèmes d'optimisation ont échoué. Parce qu'il se trouve que les fourmis, quand on applique exactement le même comportement des fourmis, à ce type de problème, elles échouent. Elles se retrouvent piégées dans des solutions sous-optimales. Donc c'est là qu'interviennent les ingénieurs, parce que les ingénieurs, ils peuvent, ok, donc on va prendre certains aspects du vivant, mais on va s'en écarter un petit peu. Mmh. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ajouté des capacités à leurs fourmis, notamment la capacité de conserver en mémoire le nombre de villes qu'elles ont déjà visitées, la capacité aussi d'estimer les distances qui séparent la ville sur laquelle elles se trouvent des autres villes qu'elles n'ont pas visitées et auxquelles la ville sur laquelle elles se trouvent est connectée. Mais là, vous nous parlez de fourmis virtuelles. Je vous parle de fourmis virtuelles. Oui. Et ils vont aussi ajouter quelque chose de très intéressant qui est, donc, une fois que les fourmis ont parcouru toutes les villes, elles vont revenir sur leur chemin. Et elles vont déposer de la phéromone sur le chemin qu'elles ont parcouru. Et la quantité de phéromone qu'elles vont déposer va dépendre de la longueur totale du trajet. Plus le trajet est long, moins elles vont déposer de phéromone. Plus le trajet est court, plus elles vont déposer de phéromones. Et au final, de phéromones virtuelles. Et au final, quand vous allez réitérer l'opération avec des quantités de fourmis, bien les trajets qui se retrouvent sur les chemins les plus courts vont être très renforcés, et les trajets qui se trouvent sur les trajets les plus longs vont disparaître, parce que la phéromone ça a une certaine durée de vie, et progressivement toute votre colonie de fourmis va converger vers le trajet le plus court. Donc le transport en camion est optimisé grâce aux fourmis. Tout à fait. Il y a maintenant des grandes compagnies qui utilisent des algorithmes inspirés des fourmis. Alors c'est toujours inspiré parce qu'effectivement on va prendre cette logique de renforcement, de partage collectif de l'information qu'autorise la phéromone. Mais bien sûr, comme on traite de problèmes relativement concrets, on va ajouter d'autres choses à ces fourmis que ne font pas les fourmis réelles, bien sûr, parce qu'elles ne sont pas confrontées au même type de problème. Monsieur Terolaz, vous êtes éthologue, vous êtes spécialiste de neurosciences, vous travaillez avec des informaticiens, des logisticiens. Oui, ça c'est quelque chose que j'ai fait mon postdoc aux États-Unis. Donc j'ai fait mon postdoc dans un laboratoire de robotique qui s'intéressait, c'était vraiment l'époque où on commençait vraiment à s'intéresser à ces systèmes biologiques qui étaient capables de produire de l'intelligence collective. Et donc les premiers qui se sont intéressés à ces phénomènes, ce sont des roboticiens. Parce qu'ils avaient un problème très simple qui était de coordonner l'activité de groupes de robots, tout en minimisant les capacités sensorielles, les capacités de traitement de l'information de ces robots. C'est quelque chose qui s'est passé à peu près à la charnière des années 90, où il y a énormément de questions qui se sont posées dans le domaine de l'intelligence artificielle, et donc les chercheurs se sont dit que plutôt de construire des robots omniscients qui se construisaient des représentations de leur environnement, on va construire des robots beaucoup plus simples, beaucoup plus robustes, et on va exploiter les interactions entre ces robots. Mmh. Et donc c'est là que le lien s'est fait tout naturellement avec les insectes sociaux, parce qu'il y a un système qui vraiment privilégie les interactions entre individus, c'est bien sûr les insectes sociaux. Guy Terolaz, vos recherches ont des applications également dans le domaine des télécommunications. Tout à fait. Alors, donc on a parlé de l'optimisation, de ces phénomènes d'optimisation, par exemple le voyageur de commerce, qui est un problème statique où les données ne changent pas au cours du temps. Mais il y a tout un domaine d'application où les données varient au cours du temps, qui est par exemple le routage dans les réseaux de télécommunications. Et quel est le problème ? Alors, le problème, c'est de pouvoir établir de manière très rapide un chemin entre une source, donc la source d'un appel, et la destination d'un appel. Donc, quand vous faites un appel, votre message circule le long d'un réseau qui est constitué de lignes qui ont des débits plus ou moins importants et de routeurs qui vont acheminer votre message à un autre routeur qui va finalement l'acheminer à sa destination finale. Et ces lignes, eh bien, elles sont plus ou moins encombrées. Et il faut donc un système qui, à tout moment, fluidifie les communications sur ces lignes. Alors, c'est le rôle des routeurs. Et donc c'est un problème extrêmement complexe parce que il faut à la fois avoir une image globale et une image locale de ce qui se passe pour pouvoir affecter les appels d'un routeur à un autre jusqu'à ce qu'il atteigne sa destination finale. Et donc pour résoudre ce problème, avec des ingénieurs, on s'est dit on va faire circuler en parallèle avec les messages, avec les données, des fourmis virtuelles qui vont analyser le temps qu'elles mettent pour passer d'une zone à une autre. Et elles vont donner cette information au routeur sous la forme de phéromones virtuelles. Si, quand elles passent par exemple d'une zone à l'autre, si elles font l'expérience d'un délai, donc si elles mettent très très très longtemps pour passer d'un routeur à un autre, elles vont déposer très peu de phéromones. Donc sur les tables d'affectation au niveau du routeur qui détermine vers quel routeur les messages doivent aller. Au contraire, si elles circulent très rapidement d'un routeur à un autre, elles vont déposer beaucoup de phéromones. Et cette phéromone aussi s'évapore. Alors bien sûr, on est dans des phénomènes qui durent de l'ordre de la microseconde. Et elles vont comme ça pouvoir déterminer à tout instant les zones du réseau ça va qui passer mieux. Sont les plus justement les plus fluides. Les plus fluides. Et toutes les zones donc qui vont être encombrées vont être désaffectées et les routeurs ne vont plus du tout envoyer de messages vers ces zones. Est-ce que c'est utilisé aujourd'hui ça? Tout à fait. Donc ça a été utilisé notamment par British Telecom et je sais il y a également une compagnie au Canada qui utilise ce type de système. Est-ce que l'observation des fourmis et la compréhension des fourmis a donné lieu à d'autres applications? Alors il y a pas mal d'autres applications. Déjà dans le domaine de la recherche opérationnelle, c'est-à-dire comment faire de l'optimisation. Comment faire aussi de la représentation de données, notamment dans les banques. On s'est inspiré de la manière dont les fourmis ségrègent leurs œufs, leurs cocons, leurs larves, pour faire en fait de l'agrégation de données. Donc on va utiliser les mêmes types de logiques, de comportements qu'utilisent les fourmis pour agréger des données similaires. Et on va pouvoir les représenter très simplement sur un plan en deux dimensions. Et ça va permettre par exemple d'identifier des personnes qui ont des profils très très similaires. Vous parlez des fourmis, mais est-ce que les abeilles ou les termites vous en apprennent autant ? Chez les abeilles, ce qui est intéressant, c'est la sélection des nids ou des sources de nourriture. On a des dynamiques extrêmement complexes, extrêmement riches, avec aussi des communications entre les abeilles qui sont extrêmement sophistiquées. Donc c'est la fameuse danse en 8. Et puis, ce sont plutôt des phénomènes d'allocation de tâches. C'est-à-dire comment les abeilles vont allouer les différentes tâches qui sont à réaliser au sein d'une colonie. 14 août 1973, première chaîne de télévision. L'entomologiste Rémi Chauvin. Les reines n'ont aucun pouvoir de gouvernement, c'est un terme qu'on a trouvé comme cela. Mmh. Ce sont des machines à pondre, ce n'est absolument rien d'autre. Mmh. C'est ça. Alors toute la colonie s'organise pour tâcher de les nourrir. Donc justement. La plus grande partie des fourmis sont finalement des fourmis ravitailleuses. C'est pratiquement des ravitailleuses. Voilà. On a l'impression quand on regarde une fourmilière, quand on la bouge un petit peu, que son activité est complètement désordonnée. Et au fond, vous me disiez tout à l'heure que chacun des éléments de la fourmilière, chaque fourmi, a un nombre de gestes assez limité. Et chacun a un programme, comme on dit quand on veut parler moderne, n'est-ce pas? Et un programme extrêmement limité. Par exemple, les ravitailleuses. On pourrait croire qu'il y a dans leur programme « va chercher quelque chose de bon à manger pour les petits », mais absolument pas. Dans leur programme, il y a tout simplement « ramasse tout ce qui peut se ramasser ». Alors elles ramassent n'importe quoi, même par exemple des fragments d'élytres d'insectes complètement secs sur lesquels il n'y a plus du tout de viande. Mais il y a des trieuses. Lorsqu'elles arrivent à la fourmilière, on s'aperçoit qu'au bout d'un certain temps, très rapidement, tous les matériaux non mangeables sont rejetés. Et que ce soit chez les fourmis ou chez les abeilles, c'est pas la reine qui décide. Voilà, ça c'est aussi un élément extrêmement important. Pendant très longtemps, on a voulu voir les sociétés d'insectes comme une sorte de modèle réduit de nos propres sociétés. Et la reine était censée jouer un rôle extrêmement, extrêmement important. On avait une organisation, on pensait qu'il y avait une organisation hiérarchique et très centralisée, donc avec la reine qui récupère toutes les informations en provenance de sa colonie et puis ensuite qui donne les ordres appropriés aux ouvrières. En fait, on s'est aperçu depuis maintenant une quarantaine d'années que ces systèmes fonctionnent selon un mode complètement différent, décentralisé et auto-organisé. Les fourmis et les abeilles, est-ce qu'elles vous fascinent toujours autant ? Oui, il y a encore beaucoup de mystères. Un des domaines qui nous intéresse beaucoup en ce moment, c'est vraiment le domaine de l'architecture. C'est-à-dire comment est-ce que les termites, les fourmis construisent leur nid ? Comment les fourmis ou les termites s'organisent pour construire leur nid ? C'est ce que nous verrons dans un instant. Shoulder to prop you up. All of our yesterdays are gone now. All of our yesterdays are gone. Of a memory, another song. All of our yesterdays are gone now. Call me up when you need a shoulder to prop you up. All of our yesterdays have gone now. All of our yesterdays have gone now. All of our yesterdays have gone now. All of our yesterdays have gone. All of our yesterdays, c'était Mac DeMarco. Les aventuriers sur France Inter. Les déplacements de groupes d'animaux est un des phénomènes les plus spectaculaires de la nature. Lorsque les Anglais téléphonent, ils ne le savent probablement pas, mais c'est grâce aux fourmis que leurs communications sont optimisées. En France, ce sont les logisticiens du transport qui utilisent les techniques des insectes sociaux. Et dans le monde entier, des architectes s'inspirent de l'habitat des fourmis et des termites, qui sont des prouesses architecturales, des chefs-d'œuvre raffinés avec des chambres, des planchers, des rampes. Guy Terolaz est un spécialiste des comportements collectifs. Alors justement, une des manifestations les plus, je dirais, spectaculaires de l'intelligence collective des insectes sociaux, c'est leur capacité à construire des nids qui sont extrêmement complexes, qui sont également gigantesques si on les compare à la taille des insectes qui les construisent. Par exemple, les termitières, elles peuvent atteindre 6 ou 7 mètres de haut, ouais. Ce qui est plusieurs centaines de fois la taille d'un termite. Chez les termites, on a vraiment aussi toute une diversité architecturale extrêmement étonnante. Avec des nids, par exemple, les apicothermes sont des sociétés assez fascinantes, qui construisent des nids d'une incroyable beauté, une incroyable complexité aussi. Ce sont des nids qui sont construits sous terre, à peu près à 30 à 60 cm, qui ont la forme d'un gros ballon de football. Et tout l'extérieur est couvert de petites gargouilles qui sont régulièrement espacées. Donc il y a tout un ensemble de gargouilles qui forment comme ça des cercles concentriques et autour réguliers. De là. Et très réguliers, qui s'ouvrent sur des canaux qui parcourent l'ensemble de la coque du nid. Et ces canaux s'ouvrent par des micro-structures à l'intérieur du nid. Donc c'est vraiment, quand on regarde la structure, c'est incroyablement complexe, avec des chambres qui sont régulièrement espacées. et qui sont reliées entre elles par des rampes hélicoïdales. Mais qui fait les plans? Qu'est-ce que vous avez compris? Alors ça, c'est une question très très ancienne qui a commencé à être étudiée par Pierre-Paul Grasset dans les années 40 et 50. Et ce qu'il a découvert, c'est qu'il n'y avait pas de plan. Et d'autre part, chaque insecte ne dirige pas son travail d'une certaine façon. En fait, il est guidé par le résultat de l'activité des autres insectes. C'est un peu comme la phéromone chez les fourmis. Sauf que là, ce sont des constructions, donc des structures matérielles plus ou moins complexes, et qui vont déterminer des actions de construction ou de destruction chez les insectes. On commence seulement à avoir une compréhension de ces mécanismes, notamment chez les fourmis. On a étudié ces mécanismes de construction de niches chez les fourmis, la fourmi noire des jardins, par exemple. Ce sont des structures relativement simples. Et on a commencé à aborder ces questions également chez les termites. 4 mai 1962, télévision française, les termites d'Afrique de l'Est. Ces monticules, semblables à quelques tumulus qui parsèment les étendues plates de l'Est africain et revêtent parfois des formes étranges, sont les plus étranges des maisons. Là vit un peuple non moins étrange. Ce peuple est celui des termites. Les monticules que vous avez vus, des termitières. À l'intérieur, une société avec ses corps constitués, les ouvriers, maçons, manœuvres qui travaillent sans arrêt. Au-dessus, un corps d'élite. Les soldats avec leurs guetteurs, leurs sentinelles et les escadrons de la mort. Au-dessus, enfin, la reine. Qu'est-ce que l'on a compris depuis 1962? D'abord, on a essayé de comprendre mieux ces architectures. On commence seulement. On étudie ces architectures avec notamment de nouvelles techniques comme la tomographie à rayons X qui nous permet de voir à l'intérieur de ces structures sans les détruire, de les quantifier aussi, de les étudier, de regarder comment le gaz carbonique, l'oxygène circulent dans ces termitières. Et puis, sur certaines espèces, on a décrypté les interactions et les comportements qui sont impliqués dans leur construction. Et c'est climatisé la plupart du temps? Non, pas la plupart du temps. Certains nids, justement, sont climatisés et... on n'a pas encore complètement compris l'origine de la climatisation. Enfin, il y a certaines théories de refroidissement passif. On commence à comprendre le rôle des microstructures. En fait, ce sont des réseaux de micropores qui apparaissent dans la construction et qui assurent à la fois la ventilation par diffusion, qui sont renforcés lorsque les courants d'air sont relativement importants à l'extérieur du nid, qui assurent la climatisation parce que ces structures, l'air qui est prisonnier dans ces structures, ben c'est un peu comme nos fenêtres à double vitrage, c'est exactement la même fonction, donc ça permet de faire de la climatisation, donc on va atténuer les variations de température à l'intérieur du nid. Et puis ce sont des structures aussi qui jouent un rôle pour faire du drainage. C'est-à-dire quand il y a de la pluie, l'eau s'infiltre très rapidement dans ces structures, mais en même temps, grâce aux forces de capillarité, l'eau est évacuée. Et donc ce sont des structures qui peuvent ensuite continuer de fonctionner. Alors on a bien compris que les travaux que vous menez sur les fourmis peuvent avoir des applications dans le domaine de la robotique, de la téléphonie. Est-ce que les architectes sont intéressés par les constructions de ces nids? Par les insectes sociaux? Beaucoup, beaucoup. J'ai eu l'occasion d'organiser d'ailleurs une rencontre à Venise en 2009 avec des architectes, des spécialistes de la construction des insectes, des spécialistes aussi de la thermique de l'habitat. Et ils s'intéressent énormément, d'abord comme source d'inspiration pour concevoir des architectures, parce que une fois qu'on a compris les règles de base, donc ce sont des constructions locales, sans en référer à un plan global, en fait, on peut créer des programmes informatiques et donc laisser construire le programme tout seul, comme si c'était une colonie de fourmis. Donc, il y a beaucoup d'architectes qui font ça, qui utilisent ce type d'outils maintenant pour explorer des formes. Et ensuite, ils mettent différents types de contraintes sur ces formes, de contraintes d'optimisation pour sélectionner uniquement les meilleurs. Et puis il y a d'autres architectes qui, eux, s'intéressent, par exemple, à la manière dont les architectures sont climatisées, comme les termitières. Notamment Mick Pierce, qui est un architecte qui a construit un bâtiment au Zimbabwe et qui est vraiment un exemple assez intéressant d'architecture bio-inspirée qui s'inspire directement de la manière dont certaines termitières sont climatisées. Guy Terrelaz, vous étudiez les insectes sociaux, vous étudiez aussi les poissons et notamment les poissons en banc. Qu'est-ce que vous avez compris ? Dans un banc, c'est une sorte d'assemblée qui fonctionne sous le mode de la conformité sociale. Et les individus qui se trouvent soustraits à l'influence des autres, parce qu'ils se trouvent par exemple sur le bord d'un banc ou à l'avant d'un banc, ce sont les individus qui vont présenter les fluctuations de comportement les plus importantes. Et en fait, ce sont eux qui vont initier les comportements collectifs du banc. Ceux qui sont au bord. Ceux qui sont au bord, parce que ce sont ceux qui sont les moins soumis à l'influence des autres. Ce qu'on a trouvé également chez les poissons, c'est qu'ils n'ont pas de perception isotropique de leur monde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils perçoivent davantage ceux qui sont situés à l'avant et pas du tout ceux qui sont situés à l'arrière. Et donc, toute l'information qui vient devant va être amplifiée par ces effets de conformité sociale, alors que les comportements qui se passent à l'arrière vont être complètement ignorés. Et c'est comme ça que se produisent ces retournements collectifs, puisque les individus qui se trouvent à l'avant du banc, du fait qu'ils ne sont pas sensibles à ce que font les autres, ce sont eux qui vont avoir tendance à se retourner. Et comme, justement, on a tendance à amplifier ou à faire exactement ce que font les poissons qui sont situés devant nous, et bien on va se retourner aussi, et puis progressivement, tout le banc va se retourner. 11 décembre 1957, télévision française. Avec la fin de l'automne, d'énormes bandes d'étourneaux envahissent, comme chaque année, les parcs romains. Et l'on peut voir les arbres du Pincio couverts de cette innombrable population. Semblant obéir à la baguette d'un chef d'orchestre invisible, ils s'élèvent soudain en vol compact et décrivent les arabesques d'un ballet fantastique. Le soir seul interrompt leur danse. Alors, ils s'abattent d'un seul coup et disparaissent comme absorbés par les ramures sans feuillard. Demain, ils recommenceront leur étonnante sarabande. Monsieur Terrelaz, est-ce qu'il y a un chef d'orchestre pour les étourneaux ? Non, cet extrait est assez étonnant parce que un des groupes de recherche les plus en pointe sur l'étude de ces phénomènes collectifs chez les étourneaux, c'est le groupe d'Andrea Cavagna et d'Irene Giardina à l'université de La Sapienza à Rome. Et effectivement, Rome, c'est une des villes où on voit ces assemblées ces nuées d'étourneaux. Par centaines. Par plusieurs dizaines de milliers parfois. Oui. Et alors il les étudie avec des caméras en trois dimensions qui permettent de reconstituer la structure du vol d'oiseaux, donc la position de chaque oiseau dans le vol. Et ce qu'ils ont découvert, c'était que ces structures qui nous apparaissent en trois dimensions, en fait ce sont des sortes de tapis volants qui sont repliés et qui constituent comme ça, de manière dynamique, des structures relativement complexes. Mais globalement, il semble qu'on ait quand même des logiques qui sont relativement similaires à ce qu'on a chez les bancs de poissons, avec bien sûr des capacités de perception différentes, mais essentiellement, on va avoir de l'attraction et de l'alignement. Il se copie. Et justement, toute une question qui anime un petit peu la communauté autour de ces comportements collectifs, c'est de savoir combien d'individus un étourneau copie autour de lui. Ah oui. Et donc, ce qu'ils ont trouvé, c'est que apparemment, un étourneau copie le comportement de ses 8 premiers voisins. Alors que chez les poissons, ça a l'air d'être un peu plus simple, puisque chaque poisson semble copier le comportement de 1 à 2 poissons seulement. Même dans les beaucoup de poissons rouges. Dans les beaucoup de poissons rouges, généralement le poisson est tout seul. C'était un jour de fou. fatale. J'ai arrondi les angles pour en faire un cercle parfait. Qu'il se mette à la jolie voix de Pauline Croze, Jour de foule. Les aventuriers sur France Inter. Étourneaux, poissons, fourmis, termites sont étudiés par les hommes car ils peuvent nous aider à mieux vivre ensemble. L'homme aussi est un être social. Nous vivons en grands groupes et nous sommes interconnectés. Les insectes sociaux pourraient nous aider à imaginer un Internet différent, à mieux adapter nos comportements. Dans le laboratoire de Guy Terolaz, les hommes sont étudiés comme le sont les fourmis. Et comme on peut prédire ce qui se passe dans une fourmilière, les mouvements de foule peuvent être anticipés. Alors l'homme dans tout ça, bien l'homme est un animal collectif également, un animal social dans lequel on a effectivement des comportements collectifs. Et ce qu'on voit apparaître au fur et à mesure que se développent les interactions par Internet, par les smartphones, c'est justement des phénomènes collectifs qui sont relativement similaires à ceux qu'on observe dans la société animale. C'est-à-dire qu'on fonctionne comme les fourmis, comme les termites ou comme les poissons? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que on a déjà des comportements mimétiques à la base. Quand on parle de propagation de rumeurs, les catastrophes boursières également, les phénomènes de mode, tout ça, ce sont des comportements mimétiques. Et ces comportements sont renforcés par les nouvelles technologies, par les smartphones, par aussi toutes ces techniques qui analysent les traces, nos traces sur Internet, et qui vont faire que on va se surconcentrer notre attention sur uniquement sur quelques informations ou sur quelques produits. Et donc vos travaux peuvent avoir des débouchés dans les années qui viennent? Alors c'est en fait tout l'objectif de nos recherches actuellement, c'est-à-dire d'observer, d'analyser les comportements collectifs chez l'homme avec les mêmes outils que ceux qu'on a utilisés pour étudier les comportements collectifs dans les sociétés animales, les insectes sociaux, les bancs de poissons, les troupeaux de moutons, pour éventuellement développer des techniques pour moduler les interactions, de façon à ce que on n'aboutisse pas au renforcement de comportements mimétiques, ce que font actuellement la plupart des technologies, mais au contraire qu'on développe la coopération, la collaboration et l'intelligence collective dans ces groupes. Est-ce que vous êtes penché sur le comportement des foules? Ça a été un des premiers comportements collectifs qu'on a abordé chez l'homme, et donc on a essayé d'appliquer la même méthodologie qu'on avait appliquée chez les insectes pour comprendre, par exemple, les déplacements collectifs. Et c'était au départ un vrai pari, puisque on se disait, est-ce qu'on va réussir à extraire des règles de comportement aussi simplement que ce qu'on a pu le faire chez les fourmis? Et il s'est avéré que oui, en fait, il s'est avéré qu'on qu'on suit inconsciemment des règles de comportement et que si on observe des piétons qui se déplacent dans un couloir ou qui se déplacent sur une place dans certaines conditions particulières, on va pouvoir mettre à jour des règles de comportement qu'on suit, construire des modèles sur la base de ces règles et pouvoir utiliser ces modèles pour faire de la prédiction. Alors, quelles règles ? Il y a essentiellement deux règles. Par exemple, quand on est dans une foule, on cherche l'espace libre qui nous rapproche le plus de notre destination et on va adapter notre vitesse de déplacement en fonction de la distance qui nous sépare des autres personnes dans la foule. Ces deux règles permettent de reproduire toute la phénoménologie qu'on observe dans les foules, aussi bien les formations de files, l'organisation spontanée de files. On peut modéliser ça. Tout à fait, on peut modéliser. Donc ça, c'était un gros travail qu'on a fait avec Mehdi Mousseï, de modéliser justement le comportement et d'avoir des modèles maintenant prédictifs qui nous disent, par exemple, qu'est-ce qui va se passer dans tel type d'environnement, dans tel type de géométrie. Voilà, est-ce que pour tel type de densité, on risque de voir apparaître des bousculades, par exemple, qui est un gros problème. Mais oui. Et là, ce qu'on s'est aperçu, c'était que la physique et la cognition, c'est-à-dire la manière dont les piétons analysent leurs informations, créent des contraintes qui font que ça va produire ou non des bousculades dans certains types d'environnements et pas dans d'autres, par exemple. Ça veut dire qu'un organisateur de concert ou de festival peut faire appel à vous et vous demander, voilà, qu'est-ce qui peut se passer à tel moment ? Absolument. Il y a, quand on a sorti cet article, il y a maintenant 8 ans avec Mehdi, on a eu énormément de contacts de la part d'organisateurs de concerts, de la part surtout de pompiers. Parce que moi, ce qui m'a assez surpris, c'est que la gestion des foules, enfin, à l'époque, quand on a commencé à faire ça, se faisait au doigt mouillé. C'est-à-dire qu'on avait vraiment une expérience empirique. Les forces de sécurité ont une expérience empirique, mais rien n'est formalisé. Disposer d'un outil avec lequel on peut faire vraiment de la prédiction, savoir comment organiser des flux, lors d'un concert ou lors d'une manifestation, éviter qu'il y ait des densités telles qu'on a on peut avoir des risques de bousculade. Ça, c'était quelque chose qui manque. À quoi on peut s'attendre encore dans les années à venir avec vos travaux ? Alors, je pense qu'au plus, on aura des informations sur l'impact de ces nouvelles technologies sur nos comportements. En plus, on va pouvoir créer des applications qui vont permettre de favoriser le partage d'informations sociales et la collaboration dans différents types d'activités. Ça peut être des choix d'hôtels, des choix d'objets à acheter. Ou à ne pas acheter. Ou à ne pas acheter. Donc éviter ces effets de surconcentration de l'information que créent actuellement ces techniques. L'idée, ce serait de pouvoir créer des applications qui développent l'intelligence collective en modulant justement les interactions entre les personnes. Pour terminer, qu'est-ce que vous aimeriez trouver ? Je pense qu'on a vraiment maintenant les moyens de pouvoir vraiment augmenter l'intelligence collective, c'est-à-dire la capacité de groupe à collaborer pour trouver collectivement des solutions. Je pense que c'est un problème qui a dû se poser au cours de l'évolution lorsque les premières cellules ont commencé à communiquer. Elles envoyaient des messages, mais on réagissait pas forcément, les cellules ne réagissaient pas forcément de la bonne façon à ces messages. L'évolution a fait qu'on a sélectionné certains types d'interactions qui a fait que, eh bien, on a pu constituer des assemblées de cellules, des organismes de plus en plus complexes. Et là, on est à peu près au même stade, c'est-à-dire qu'on commence à développer des applications qui favorisent les interactions, mais sauf qu'on n'a pas encore, la sélection n'a pas encore joué sur la forme de ces interactions pour pouvoir développer de l'intelligence collective. Donc ça, c'est vraiment un formidable champ de recherche pour le futur. Et donc, ce qu'on peut espérer, c'est qu'on va faire de belles découvertes dans ce domaine. Tout ça grâce aux fourmis. Au départ, ça a commencé par les fourmis, oui. Merci à Guy Terrolaz, éthologue, membre de l'équipe Comportement Collectif au Centre de Recherche sur la Cognition Animale de Toulouse. Pour en savoir plus sur les travaux de ce chercheur, nous mettons des liens sur la page des Saventuriers. Cette émission, comme toutes celles de cette série, est disponible en podcast sur Internet. Tous les Saventuriers de l'été sont déjà en ligne sur franceinter.fr. Stéphanie Texier réalise l'émission avec Rebecca de Nantes. La programmation musicale est signée Djoubaka. À la documentation musicale, Romain Couturier. Merci aussi à Sabine Dahuron de l'INA pour les archives sonores. Au programme, la semaine prochaine, les promesses de la mer avec Philippe Goulecker et les promesses de la forêt avec Francis Martin. Très bonne fin de journée sur France Inter et à la semaine prochaine.